بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. On continue la traduction et explication du livre Lum'atu l'i'tiqad al-hadi ila sabil al-rashad, la lumière de la foi, un livre de l'imam Qudama rahimahullah al-Maqdisi et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc la semaine dernière on avait entamé le chapitre des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. On a vu que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam était le dernier et le sceau des prophètes, et également que c'était le meilleur des prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam, mais le fait de le considérer comme étant le meilleur ne devait pas nous amener à dénigrer ou à rabaisser de la valeur des autres prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également que la foi ne peut être véridique que lorsque, qu'après avoir cru au message du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et de façon plus précise, de croire au message universel du prophète alayhi sallatu wassalam. Car certains parmi les juifs pensaient et croient au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais prétendent que cela est destiné aux Arabes uniquement, et que ce sont les Arabes qui sont concernés par cette religion et non pas les autres, et cela est faux. Et une personne qui a de telles pensées n'est pas encore entrée dans l'islam. Il faut qu'il considère sans aucun doute que le caractère de l'islam est universel et que toute personne, quel que soit l'endroit dans lequel il vit, quelle que soit l'époque dans laquelle elle vit, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou depuis la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se doit de suivre l'islam. ثم قال الشيخ الفوزان فليس بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه ومن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله حتى يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عموم الناس كافة. لا يكفي أن يؤمن برسالته فقط، بل لا بد من الإيمان برسالته إلى الناس كافة، لأن هناك من يرى أنه رسول لكنه إلى العرب فقط. Donc c'était une conclusion de ce qui avait été dit la semaine dernière, à savoir que le fait de croire au message du prophète صلى الله عليه وسلم et de rester dans la religion juive ou dans la religion chrétienne, que cela ne suffisait pas, mais qu'il fallait croire, comme je l'ai dit, au caractère universel du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف ويشهد بنبوته. قال الشيخ الفوزان ويشهد بنبوة النبي بنبوته عليه الصلاة والسلام. فالشهادة بأنه رسول الله تأتي بعد الشهادة أن لا إله إلا الله لا تصلح إحداهما بدون الأخرى. Donc l'imam Qudama rahimahullah a dit, la foi ne peut être véridique, la foi d'un serviteur ne peut être véridique jusqu'à ce qu'il croit en son message et qu'il atteste de sa prophétie, c'est-à-dire qu'il atteste de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et cette attestation vient après le fait d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'une ne peut être valable sans l'autre. D'attester qu'Allah Azza wa Jalla est le seul qui mérite d'être adoré n'est pas valable si tu n'attestes pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Et également, si tu attestes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah mais que tu n'adores pas Allah Azza wa Jalla seul en lui vouant exclusivement le culte, eh bien ceci également ne te sera d'aucun profit. ثم قال الشيخ الإمام ابن قدامة رحمه الله ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته. هذا من فضائله، من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته. وهذا كما مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم من الأنبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يعتذر ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقومون بها فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي بين العباد ويقضى بين العباد. Et l'imam Qudama rahimahullah dit, et il ne sera jugé entre les gens le jour du jugement qu'après son intercession, qu'après l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des mérites du prophète alayhi salatu wa sallam. Et on a vu cette grande intercession le jour du jugement, dont le seul qui aura la possibilité de demander cette intercession sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci après cette longue attente interminable des gens le jour du jugement qui iront ou qui voudront que le jugement commence, car ils n'en pourront plus d'attendre. Ils iront vers Adam, puis vers Nuh, puis vers Ibrahim, puis vers Moussa, puis vers Isa al-salam, et alayhim al-salam, et chacun d'entre eux s'excusera de ne pouvoir demander une telle chose, et ce sera au final notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui intercédera en la faveur de l'ensemble des créatures pour que le jugement puisse enfin commencer. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أُمَّةٌ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ أُمَّتِهِ. Et n'entrera au paradis aucune communauté n'entrera au paradis qu'après l'entrée de sa communauté. أمة محمد هم السابقون وهم الآخرون السابقون يوم القيامة فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته فهو الذي يفتح باب الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. Donc la communauté de Muhammad صلى الله عليه وسلم seront les premiers à entrer au paradis le jour du jugement. C'est la dernière des communautés existantes, mais ce sera la première à entrer au paradis. Personne n'entrera avant eux, et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les portes du paradis seront ouvertes également grâce à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les portes du paradis s'ouvriront, ce sera sa communauté et la communauté d'aucun d'autre qui y entrera en premier. صاحب لواء الحمد, celui qui prendra l'étendard de la louange, à savoir Muhammad صلى الله عليه وسلم. اللواء هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكر لأجل اجتماع أتباعهم عليها, والراية في يوم القيامة تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم وكل الرسل تحت لوائه. Le professeur Asselam sera le seul qui portera l'étendard. Et l'étendard, comme le dit Cheikh Fawzan, c'est le drapeau que porte ou que lève le commandant d'une armée afin que ses soldats se réunissent autour de lui. Ainsi, le jour du jugement, l'étendard sera pris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les prophètes suivront Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en dessous de cet étendard, et ceci est encore un mérite de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal maqam al mahmoud wal hawd al mawrud wa huwa imam an nabiyyin wa khatibihim. Également, le professeur sallam sera celui qui aura la position privilégiée, et à lui également appartiendra le bassin dans lequel les gens pourront boire. Et tout ceci a été vu précédemment. Wal maqam al mahmoud alladhi sabaqa fi shafa'ati al uzma, cette position ou cette posture élevée qu'aura le professeur sallam, il l'aura lorsqu'il demandera à Allah azza wa jalla de commencer le jugement. Et quant au bassin, eh bien, nous l'avons déjà décrit précédemment. Wa huwa imam an-nabiyyin wa khatibihim. Huwa imam an-nabiyyin kama salla bihim laylat al-Isra wa muqaddimuhum إذا وفدوا على ربهم وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وفدوا إلى ربهم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم est le guide des prophètes, et c'est également leur porte-parole. Et c'est également leur porte-parole, car le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est lui qui a présidé la prière la nuit de l'ascension et du voyage nocturne, et derrière lui l'ensemble des prophètes est envoyé. Et également, lorsque les prophètes se réuniront auprès d'Allah Azza wa Jalla, ce sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlera en leur nom. وصاحب شفاعتهم, et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en leur faveur, en faveur des prophètes. Et ceci dans cette intercession, la grande intercession, qui, comme je l'ai dit, est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il demandera à Allah de commencer le jugement. Et tous les prophètes auparavant s'excuseront de ne pouvoir la prononcer et la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam profitera donc et sera profitable aussi aux autres prophètes. ثم قال الإمام ابن قدامة الكلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمته خير الأمم. Puis l'imam ibn Qudama ouvre le chapitre en disant la description de la communauté de Muhammad صلى الله عليه وسلم et de ses compagnons. Il dit sa communauté est la meilleure des communautés. قال الشيخ الفوزان أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم. كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. La communauté de Muhammad صلى الله عليه وسلم est donc la meilleure des communautés, comme l'a dit Allah عز وجل, et ainsi nous avons fait de vous une communauté de justes, c'est-à-dire qui être juste et qui connaissait le juste milieu. C'est pour ça que les savants disent que les gens de la sunna sont eux qui détiennent le juste milieu, et ils sont au milieu entre ceux qui abusent et ceux qui se laissent aller. Et également l'islam est une communauté juste au milieu des autres communautés, de ceux qui ont abusé et qui ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et également l'autre extrême qui est de ne pas croire en Allah azza wa jal et de considérer que tout ce qui existe n'est que le fruit du hasard. Et Allah azza wa jal a dit: pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم وما الذي يدرهم بذلك قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Cette communauté donc témoignera le jour du jugement. Elle témoignera vis-à-vis des autres communautés et attestera que chaque prophète a transmis le message à sa communauté. Comment sauront-ils cela? Car celui qui témoigne, c'est qu'il était présent au moment des faits. Il a des preuves qui viennent appuyer son témoignage. Comment nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourrions-nous témoigner le jour du jugement que que Hud alayhi salam, par exemple, a transmis le message à Ad, à son peuple Ad? Comment le savons-nous? Par le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous informe des faits et des histoires des peuples qui nous ont précédés. Nous en avons donc la certitude, une certitude qui nous permettra de témoigner le jour du jugement que tous ces prophètes et envoyés ont effectivement transmis le message à leur peuple qui ne les ont pas écoutés, sauf certains qui ont été préservés de l'égarement. Et également, le prophète sallam viendra témoigner en faveur de sa communauté. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وهذا لفضلهم وقبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم. Et Allah عز وجل dit, il ne vous est imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim, lequel vous a déjà nommé musulman avant, c'est-à-dire avant le Coran, et dans ce livre, c'est-à-dire dans ce Coran, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens, c'est-à-dire contre les autres communautés le jour du jugement. وهذا يدل على فضلهم وزكائهم وإيمانهم بالله. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفاتهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فأمته خير الأمم. Également, ce qui prouve le mérite de cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de leur foi en Allah azza wa jal, c'est la parole d'Allah azza wa jal et son attestation subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans Surat Al-Imran, vous êtes la meilleure communauté qui a été surgie pour les gens, vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. C'est donc une attestation d'Allah subhanahu wa ta'ala directement du caractère préférentiel de cette communauté. Et Allah Azza wa Jal a donné des caractéristiques de cette communauté, à savoir qu'elle ordonne le bien et qu'elle interdise le mal. ثم قال المؤلف واصحابه خير اصحاب الانبياء عليهم السلام. Et ses compagnons sont les meilleurs des compagnons des prophètes, qu'Allah Azza wa Jal les salue tous. C'est-à-dire les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des compagnons des prophètes, car chaque prophète avait des compagnons et les meilleurs de ces compagnons sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ashab ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hum khayru atba'i al-anbiya wal ashabu jam'u sahib wa sahabi was sahabiyyu huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Et les compagnons, c'est le pluriel de compagnons. En français, c'est quasiment le même mot, surtout à l'oral. Il n'y a que le S qui diffère. Et un compagnon, la définition d'un compagnon en islam, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et est mort dans cet état. Et est mort dans cet état. Puis Cheikh Fawzan dit hafidhahullah, يخرج بذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يره كالنجاشي رحمه الله فإنه آمن بالرسول واتبعه ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسفلا يسمى صحابيا وإنما يكون من التابعين. Donc ce sont ceux qui ont rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم en croyant en lui et sont morts dans cet état. Sont exclus ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui ne l'ont pas vu. Comme Négus, le roi Négus, An-Najashi en arabe, qui est mort musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui lorsqu'il a été informé par la révélation de sa mort. Il était An-Najashi était en Éthiopie, le professeur sallam en Arabie, et lorsque An-Najashi est mort, le professeur sallam en a été informé et a prié sur lui la prière de l'absent. a pris sur lui la prière de l'absent. Donc Al-Najashi, le roi Négus, a cru au professeur sallam, il a suivi sa religion et il est mort musulman, mais il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc pas considéré comme l'un de ses compagnons, mais il est considéré comme at-tabi'in, comme faisant partie des tabi'in. وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا به فمجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي لا بد من الإيمان به. Également ceux qui ont rencontré sont exclus ceux qui ont rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم mais n'ont pas cru en lui, comme la plupart des non-musulmans et des polythéistes qui ont vu le professeur sallam, qui se sont réunis avec lui, mais ils n'ont pas cru en lui. Le simple fait donc de rencontrer le professeur sallam ne suffit pas pour être un compagnon, mais il faut croire également en lui. وَمَا تَعَلَى ذَلِكَ يَخْرُجُ بِذَلِكَ مَنْ لَقِيَهُ وَآمَنَ بِهِ ثُمَّ ارْتَدَّ وَمَا تَعَلَى الرِّدَّةِ فَإِنَّهُ تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Également sont exclus ceux qui ne sont pas morts dans cet état, c'est-à-dire sont exclus ceux qui ont rencontré le professeur sallam tout en croyant en lui, mais ils ont apostasié et ont délaissé et renié leur religion. Alors cela, le fait qu'ils soient compagnons est alors aboli, et est aboli également l'ensemble de leurs actes. L'ensemble des adorations qu'ils auraient pu faire seront nulles et vaines. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans sourate Al-Baqarah, le verset 217. Et ceux qui renieront leur religion et mourront non musulmans seront pour eux vaines leurs actions dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ce sont eux les habitants du feu dans lequel ils y resteront éternellement. C'est donc une chose de grave et de très grave d'apostasie et de renier sa religion après être musulman. ولهذا يذاد أقوام عن حوضه صلى الله عليه وسلم إذا وردوا فيقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال لا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين على أدبارهم فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. Également, c'est pour cela qu'ils seront repoussés du fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils seront refoulés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: mes compagnons, et il lui sera dit: tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ils ont renié leur religion et ont persisté dans cela après toi. Celui donc qui renie l'islam et apostasie, eh bien, qui a vu et cru au prophète sallam, il n'est pas considéré comme un compagnon et l'ensemble de ses actes sont abolis sauf s'il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahabatu rasul sallallahu alayhi wa sallam hum alladhina laqawhu mu'minina bih وثبتوا على ذلك إلى وفاتهم هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولفضل هذه الأمة على الناس قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فجعل قرنه خير القرون وهذا يشمل الأولين والآخرين. Les compagnons du professeur Hassan, ce sont donc ceux qui l'ont rencontré en croyant en lui et sont restés fermes dans cela jusqu'à leur mort. Ce sont eux les compagnons du professeur Hassan et ce sont eux les meilleurs des compagnons des prophètes. et de ceux qui ont suivi les prophètes, et ceci grâce au mérite de leur envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et grâce au mérite de cette communauté par rapport aux autres communautés. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. ثم قال الإمام ابن قدامة وأفضل أمته أبو بكر الصديق. Et le meilleur de sa communauté, c'est-à-dire de la communauté de Mohammed صلى الله عليه وسلم, est Abu Bakr al-Siddiq. ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان وبالجهاد والهجرة والنصرة. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Et les compagnons, donc on a vu que les compagnons sont les meilleurs de cette communauté, et les meilleurs compagnons des prophètes. Et le meilleur des compagnons est Abu Bakr radiallahu anhu. Les compagnons se distinguent donc les uns des autres. Ils se distinguent par plusieurs critères. Le premier, à avoir cru. Ils se distinguent aussi dans leur combat, dans le sentier d'Allah azzawajal. Ils se distinguent aussi sur le premier à avoir fait l'émigration, sur les premiers à avoir soutenu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et Allah azzawajal a défini cela ou a explicité cela dans Surat al-Hadid, Surat le Fer, le verset 10. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Avant la conquête qui est la conquête de la Mecque. Et le fait où lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré victorieux à la Mecque. Ces derniers sont plus hauts en degré que ceux qui ont dépensé et combattu après. Or, Allah a promis à chacun la plus belle des récompenses, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc, ceux qui ont dépensé leurs biens et ont combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les périodes de persécution, lorsque les épreuves étaient difficiles, avant que les musulmans n'entrent victorieux à la Mecque, il n'y a aucun doute que ceux-là sont meilleurs que ceux qui ont dépensé et combattu, mais après que les musulmans soient entrés victorieux, car la répression n'était pas là, le danger était moindre, et les situations étaient plus aisées. Ces deux catégories de personnes ne peuvent être comparables. Il n'y a aucun doute que ceux qui l'ont fait avant la conquête de la Mecque ont plus de mérite que ceux qui l'ont fait après, mais Allah Azza wa Jal a dit qu'il a promis à chacun d'entre eux la plus belle récompense, qui est le paradis. Qui est le paradis? Et certains savants ont compris de ce verset que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam iront au paradis. Car Allah Azza wa Jal a dit « Wa kullan » et à chacun d'entre eux « Wa kullan wa'ada Allahu al-husna » et à chacun d'entre eux Allah a promis la plus belle des récompenses. Wallahu bima ta'maluna khabir. As-sahabatu yatafadaluna bi sabqihim ila al-islam wa li jihadihim wa hijratihim wa nusratihim lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ilmihim wa yatafadaluna fi hadha lakin hum fi jumlatihim khayrul qulun khayrul qurun wa afdalul umam wa in kanu fima baynahum yatafadalun. Donc les compagnons se distinguent les uns les autres, comme je l'ai dit, dans la foi, c'est-à-dire que celui qui a embrassé l'islam en premier a plus de mérite que celui qui a embrassé l'islam après lui. Celui qui a fait la hijra avant a plus de mérite que celui qui a fait la hijra après lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant l'imam, que préside la prière celui qui lit le mieux. S'ils sont dans la lecture semblable, alors que ce soit celui qui connaît le plus la sunna. Et s'ils sont dans la connaissance de la sunna semblable et identique, alors que ce soit le premier qui a fait la hijra. Alors que ce soit le premier qui a fait la hijra. Et également, les compagnons se distinguent également par leur science. Celui qui a plus de science a plus de mérite que celui qui en a moins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Uhud, lorsqu'il a enterré ses compagnons et qu'il était obligé d'en enterrer plusieurs dans une même tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de placer les défunts dans leur tombe, qu'est-ce qu'il demandait ? Lequel connaissait le plus le Coran ? Lequel connaissait le plus de Coran qui était placé en premier ? Car il avait plus de mérite que les autres. Mais cela ne remet pas en cause le mérite de chacun. Et Allah Azza wa Jal l'a clairement attesté en promettant à chacun d'entre eux le paradis. ثم قال الشيخ الفوزان فالمهاجرون هم أفضل من الأنصار قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذه في المهاجرين ثم قال جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هذه في الأنصار فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار وقد فدل على فضلهم وهذا مضطرد في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار فتقديمهم في الذكر يدل على فضلهم على غيرهم. Et également, ce qui distingue les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur mérite, il y a le fait que al-muhajirun ont plus de mérite que al-ansar. Al-muhajirun, c'est-à-dire les habitants de la Mecque qui ont émigré et délaissé derrière eux leurs biens, leur famille, leur argent, et tout ce qu'ils avaient construit durant leur vie, ils ont tout laissé pour fuir la répression des polythéistes et pour préserver leur religion. Et Al-Muhajirun sont meilleurs que l'Ansar, qui sont les habitants de Médine qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète sallam, à savoir de le soutenir et de combattre à ses côtés contre toute personne qui lui voudrait du mal, et ceci quelles que soient les circonstances. Et la preuve que Al-Muhajirun sont meilleurs que l'Ansar, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hashr. Il appartient également aux émigrés pauvres, de ceux qui ont été expulsés de leur maison et de leurs biens en espérant la grâce d'Allah et son agrément, et pour donner victoire à Allah et à son envoyé, ce sont eux les véridiques. Ce sont eux les véridiques. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset suivant, « وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ » Et ceux qui, avant eux, habitaient la terre dans la foi. Ceux qui, avant eux, c'est-à-dire avant les muhajirines, qui habitaient la terre, c'est-à-dire la terre de Médine. Dans la foi, c'est-à-dire en étant musulmans et en croyant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ Ils aimaient ceux qui émigraient vers eux. Al-Ansar aimait ceux qui émigraient vers eux parmi les muhajirines. Ceci prouve le mérite. Pourquoi ? Car Allah Azza wa Jalla a d'abord parlé des muhajirines, puis a parlé de l'Ansar. Allah Azza wa Jalla, dans Surat At-Tawbah, le verset 100, il dit « Les tout premiers parmi les muhajirines et les Ansar. » Donc Allah Azza wa Jalla a commencé par citer les muhajirun. Cela prouve leur mérite. Et Allah Azza wa Jalla a dit également dans Surat At-Tawbah, le verset 117, « Allah a pardonné à son prophète aux muhajirin et aux ansar. » Il a d'abord cité le professeur sallam, puis al-muhajirun, puis al-ansar. Cela prouve sans aucun doute que al-muhajirun sont meilleurs que l'ansar. ثم المهاجرون أيضا يتفضلون فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم الخلفاء الراشدون وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق حمك الله. Donc on a vu que les compagnons se distinguent les uns des autres et que al-muhajirun était meilleur que l'ansar, et al-muhajirun eux aussi se distinguent entre eux dans le mérite, à savoir que les meilleurs des muhajirines ce sont les quatre califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Ce sont les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Thumma min ba'dihim al-asharatul mash'ud ilahum bil-jannah. Puis viennent après eux en mérite les 10 qui ont été promis au paradis. Les 10, ce sont les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Puis ثم من بعدهم العشرة المشهود لهم بالجنة العشرة الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث فهو بقي فهؤلاء بقية العشرة في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين ثم السابقون إلى الإسلام أفضل ممن تأخر إسلامهم. Donc les 10 qui ont été promis au paradis sont les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Il y a aussi Talha, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id Ibn Zayd et Abu Ubaidata al-Jarrah. Ce sont les 10 promis au paradis. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés les 10 promis au paradis? Car le professeur sallam, dans un seul hadith que l'on verra par la suite, a cité leur nom les uns à la suite des autres en leur annonçant la bonne nouvelle qu'ils entreront au paradis. Et le hadith qu'on verra par la suite, le professeur sallam a dit Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Uthman est au paradis, Ali est au paradis, Talha est au paradis, Zubayr est au paradis, Sa'd ibn Abi Waqqas est au paradis, Sa'id ibn Zayd est au paradis et Abu Ubaidah ibn Jarrah est au paradis. Il les a cités explicitement les uns à la suite des autres. Donc après les 4 califes, ce sont les 6 restants à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Puis viennent en mérite ceux qui ont embrassé l'islam en premier. Ils ont plus de mérite que ceux qui ont embrassé l'islam après. Et la preuve est le verset que l'on a cité auparavant, à savoir ceux qui ont dépensé et combattu avant la conquête. Ils ont dépensé et combattu dans le sentier d'Allah après avoir embrassé l'islam. Et ceux qui l'ont fait après la conquête sont ceux qui ont embrassé l'islam par la suite. Et Allah Azza wa Jalla a clairement attesté que les premiers étaient meilleurs que les derniers. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان وهؤلاء لهم مزية على غيرهم من بقية الصحابة. Puis viennent أصحاب بدر, c'est-à-dire les compagnons du professeur sallam qui ont combattu dans la bataille de Badr, et également viennent ensuite les compagnons du professeur sallam qui ont fait Bay'atul Ridwan. Et Bay'atul Ridwan, le pacte de Ridwan, c'est lorsque le professeur sallam est sorti de Médine à la Mecque dans le but de faire la Umrah. Et ça, on l'a vu plusieurs fois ce hadith. Le professeur Sam est sorti avec ses compagnons pour faire la Umrah. Il n'était pas sorti pour combattre les polythéistes. Et les polythéistes ont entendu que le professeur Sam était sorti avec ses compagnons. Ils ont commencé à préparer leur armée, etc., etc. Et le professeur Sam, arrivé aux portes de la Mecque, à Al-Hudaybiyah, le professeur Sam a envoyé Uthman ibn Affan. Il a envoyé Uthman ibn Affan en tant qu'émissaire pour aller expliquer à Quraysh, aux polythéistes de Quraysh, que le professeur sallam n'est pas venu pour faire la guerre, mais qu'il est venu avec ses compagnons uniquement pour accomplir la Umrah. Il a envoyé Uthman ibn Affan, qui est parti expliquer cela aux polythéistes, qui l'ont attrapé et l'ont empêché de partir. Ils l'ont empêché de partir et ont proposé à Uthman, radiallahu anhu, de faire lui la Umrah, mais pas le professeur sallam. Mais il a refusé. Il a dit que par Allah, je ne peux pas faire la Umrah si je ne suis pas en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le séjour de Uthman radiallahu anhu à la Mecque a duré et a tardé, et les rumeurs ont commencé à faire leur effet. Certains ont dit que Uthman a été tué, et ceci était considéré comme une grave faute de tuer un émissaire envoyé, que ce soit un émissaire envoyé des non-musulmans vers les musulmans ou d'un musulman vers les non-musulmans. Un émissaire, il est envoyé pour transmettre des messages, et en aucun cas il ne doit être tué. S'il est tué, c'est la déclaration directe d'une guerre. Et lorsque les rumeurs ont commencé à se propager, à savoir que Uthman radiallahu anhu a été tué par les polythéistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné à ses compagnons de lui faire le pacte d'allégeance. De lui faire le pacte d'allégeance, à savoir qu'il combattrait aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de faire le pacte de ne pas se sauver et de ne pas faire retour arrière ou marche arrière en revenant à Médine. Mais si le combat devait avoir lieu, eh bien, ils devaient s'y préparer, même si leur intention première n'était pas initialement de combattre. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé à lui faire le pacte d'allégeance, et le pacte d'allégeance se faisait en prononçant ses paroles, en prononçant son engagement et en serrant la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les compagnons anhum, ont prêté pacte d'allégeance, et c'est justement ce pacte d'allégeance qui a été appelé Bay'atul Ridwan, le pacte de Ridwan. Et tous ont fait ce pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf un des hypocrites qui lui n'a pas fait le pacte d'allégeance. Et le seul absent était Uthman radiallahu anhu, qui était envoyé, qui était à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main et a dit hadhihi li Uthman, et ceci c'est pour Uthman, à savoir que c'est son pacte d'allégeance, je le fais à sa place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait confiance en Uthman, et il savait qu'il n'aurait pas pu céder aux tractations ou aux diverses propositions que les polythéistes pourraient lui faire. وانتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.